Heute ist unser Danksagungstag. Eine Erinnerung an das fertige Werk von Jesus Christus. Eine Erinnerung an das fertige Werk von Jesus Christus. Eine Erinnerung daran, dass wir uns immer wieder bei Jesus Christus bedanken. Qui doit nous rappeler de remercier à chaque instant, à chaque jour Jésus-Christ. And it is also a reminder of us knowing where our economy is. Das ist auch eine Erinnerung an uns, damit wir wissen, wo unsere Wirtschaft ist. C'est aussi un rappel pour nous, comme ça on sait où on a nos économies. Amen. C'est a reminder of where our economy is. That our economy is not of this world. Dass unsere, it's not in this world, but in heaven. Dass unsere Wirtschaft nicht von dieser Welt ist, sondern vom Himmel. Markus 10. Marc 10. Ça rappelle encore une fois que notre économie ne se trouve pas sur terre, mais sur le ciel. Amen. A reminder of our, you know, our saving is. It's in heaven. It's heavenly savings. Eine Erinnerung daran, dass unsere Ersparnisse himmlische Ersparnisse sind. Markus 10, 21. Encore une fois que notre que l'argent qu'on économise, notre compte d'épargne se trouve dans le royaume des cieux et pas ici sur terre. Amen. You see there. It's like that Jesus beholding him, loved him. And said unto him, one thing thou lackest. Markus 10, 21. Mark 10, 21. Amen. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. You will have your economy now in heaven. Du wirst deine Wirtschaft jetzt im Himmel haben. Tu vas avoir ton trésor dans le ciel maintenant. Amen. Amen. You now have savings in heaven. Was ist Ersparnis im Himmel? Tu as un compte d'épargne dans le royaume des cieux. Amen. Where thieves can never go in. Wo der Dieb nicht einbrechen kann und stehlen kann. Un voleur ne peut pas y rentrer et te voler ton argent. Amen. Allow Christ to be your savings. Lass zu, dass Christus dein Erspartes ist. Donc on doit permettre que c'est le Christ lui-même qui est notre qui est nos économies. Amen. Treasure in heaven. Ein Schatz im Himmel. Que ton trésor soit dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Heavenly savings. Himmlische Ersparnisse. Des économies, un compte d'épargne surnaturel. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to continue from we started I don't know maybe last week or the other week concerning this savings that we should allow Christ to be our savings. Amen. Yeah, so we continue with it and maybe I'm very sure today we'll be able to end it and go further to the next message, which is faith. Amen. Mm. Wir werden heute noch etwas über Ersparnisse sprechen. Danach geht es weiter mit dem Thema Glauben. Mm. Donc, je pense bien qu'on va clôturer notre message concernant les économies, notre compte d'épargne dans le royaume des cieux. Et si on finit avec, on va commencer avec le prochain thème qui est la foi. Amen. Mm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So do things in the flesh is like Israelite journey. Dinge for God's children. Im Fleisch zu machen bringt Verzögerung. Si tu fais des choses dans la chair, ça cause des retards. The first church journey, they were all destroyed in the wilderness. Die erste Gemeinde wurde komplett zerstört in der Wildnis. Mm. La première église a été détruite dans le désert. Allow Christ to be your savings. Lass zu, dass Christus deine Ersparnisse sind. Permet que le Christ soit tes économies. Last week we talked about our savings. Letzte Woche haben wir über unsere Ersparnisse gesprochen. La semaine passée on a parlé de nos épargnes. And how the Lord gave us this house. und wie der Herr uns dieses Haus gegeben hat. Et comment l'Éternel nous a donné cette maison. We were not qualified to be here. Wir waren nicht qualifiziert hier zu sein. Nothing qualifies us. Nichts hat uns qualifiziert. Rien sur rien de charnel nous avait qualifié. I mean naturally. Natürlich gesehen. Physiquement, naturellement. Amen. Amen. Amen. There's a difference between serving in the flesh and serving in the spirit. Es gibt einen Unterschied zwischen im Fleisch sparen und im Geist sparen. Il y a une différence quand on économise dans la chair ou on économise dans l'esprit. You know, Mark 10:21 talk about saving in the spirit. In Markus 10:21 geht's darum, im Geist zu sparen. Dans Marc 10:21, il s'agit de d'économiser dans l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. The savings that is forever. Die Ersparnisse, die für immer sind. Un compte d'épargne qui est valable pour toujours. Pour, amen. Amen. Pour tous les temps. Praise the Lord. Alléluia. Save that, you know, this service is not only money, it involves everything, your time. Und diese Ersparnisse, amen. Diese Ersparnisse sind nicht nur Geld, es ist auch Zeit und anderes. Quand on parle d'économiser, on parle pas seulement d'argent, on parle aussi de temps, on parle de tout. And if you, but if you look at it, the root is money. Aber die Wurzel because time is irgendwo. Money. This man that is working now, is the time is money. The time he can sit here, but he will not get any money. But he's working to get money. Are you getting it? Mm-hmm. Aber irgendwie läuft das dennoch wieder hinaus aufs Geld, weil Zeit ist in dieser Welt Geld. Der Mann, der beispielsweise gerade bei uns hier arbeitet im Badezimmer, er könnte auch hier sitzen und da würde er nicht 15 Euro die Stunde bekommen. Aber er ist da drüben und arbeitet und da kriegt er sein Geld. Time is money. On peut dire que la racine de toute chose est que reste quand même l'argent parce que par exemple l'ouvrier qui est ici est en train d'arranger encore la salle de bain, il peut aussi être ici et ne pas gagner d'argent, mais il préfère être travailler le dimanche et gagner de l'argent. Amen. Amen. There's a difference between serving the flesh and serving the spirit. The Bible said this flesh profited nothing. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Fleisch sparen und dem Geist sparen. Die Bibel sagt, dass das Fleisch nützt nichts. Ja, encore une fois, il y a une différence entre économiser dans la chair et économiser dans l'esprit. La Bible nous dit que la chair ne profite pas. Amen. Amen. On ne profite de rien. Achieving things in the flesh does not belong to God's children at all. Dinge im Fleisch, Errungenschaften im Fleisch gehören nicht zu den Kindern Gottes. Mm. Réussir dans la chair n'est pas quelque chose qui appartient aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Because you are heavenly citizens. Weil wir himmlische Bürger sind. Parce que tu es un citoyen du royaume des cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You no longer belong to this very place. Wir gehören nicht mehr zu diesem Ort. Non, on n'appartient plus à cet endroit. Amen. Amen. Jesus came to teach us how to live his life. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie wir sein Leben leben. Jésus-Christ est venu pour nous montrer comment vivre sa vie. We now have a divine life. Wir haben jetzt ein göttliches Leben. On a une vie divine maintenant. We now have a supernatural life. Ein übernatürliches Leben. Une vie surnaturelle. A life that is no longer natural, but supernatural. Ein Leben, das nicht mehr natürlich ist. Above natural. Sondern übernatürlich, über dem Natürlichen steht. Mm. Donc, notre vie elle est surnaturelle, elle est au-delà de... une vie naturelle. Are you getting it? Mm. And that's why Satan is afraid of you, really. The worst, you know, the demons, they know you. The Jesus, Satan. I know. All I know. Mm. I know you. Mm. They know you. Satan hat Angst vor dir, Dämonen haben Angst vor dir, sie kennen dich. Genauso wie der Satan gesagt hat, dass Jesus kennt er, Paulus kennt er und kennen sie auch dich. Donc on doit être conscient que le diable nous connaît parce qu'il connaît notre père, il connaît notre identité, il connaît Jésus-Christ comme il a dit dans la Bible, Paul je connais, Jésus-Christ se connaît Et tu dois être conscient que toi aussi aujourd'hui, il te connaît. Praise the Lord. Alléluia. It is not without Christ Jesus in us. Aber nicht ohne Jesus. And they know us. You know, for them to know you, they know that Christ Jesus is known. It's that Christ Jesus in you that is known. Sie kennen uns nur wegen Jesus in uns. Dieser Christus, der in uns ist, der ist ihnen bekannt. Et c'est pas toi comme tel qui connaît, mais c'est le Jésus-Christ en toi qui connaît. And that's why John 15, you know, from verse 1, it said, without, you know, if you read it from 1 to 5 to 6, you can see Jesus said, without me, you can do nothing. It is me that demons see and they are afraid of you. It's in like Jesus and Johannes, that ohne mich könnt ihr nichts tun. Wegen mir zittern sie und knien nieder und nicht wegen euch im Fleisch. C'est la raison pour laquelle que Jésus dit dans Jean qu'on est incapable de faire quoi que ce soit sans lui-même. Parce que quand les démons s'inclinent ou fuient, ils fuient pas ta personne, mais ils fuient Jésus-Christ. It means without the Spirit we can do nothing. Das heißt, ohne den Geist können wir nichts tun. Ça veut dire que sans l'Esprit, on peut rien faire. It means we cannot live. Wir können nicht leben. On ne peut pas vivre. Amen. Amen. You know, in Luke 5. Lucas 5. In Luke 5. That was good. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 5. Luke 5. The flesh tried to walk all through the night. All through the night. Das Fleisch hat versucht, die ganze Nacht zu arbeiten, aber es hat nicht funktioniert. La chair a essayé de travailler pendant toute la nuit, mais ça n'a pas marché. We read from 1 to 10. Amen. And it came to pass as the people pressed upon him to hear the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? I know. I see you children. How you are so hungry of the gospel of Christ. Ich sehe euch Kinder an, wie ihr so hungrig seid nach dem Evangelium von Jesus Christus. Ihr habt es nie satt. Amen. Je peux voir que vous n'êtes jamais rassasié de la parole de Dieu. Vous avez toujours faim. No one that is tired of the gospel of Christ can be here with us. Weil niemand, der ermüdet wird von dem Evangelium von Jesus Christus, kann hier mit uns sitzen. Du wirst irgendwann fliehen, rennen. Parce qu'aucune personne qui n'a pas faim de l'évangile de Jésus-Christ peut être ici parmi nous. They press upon him to hear the word of God. You know, you children, I see how you press upon me to hear the truth that the Lord has for us. Amen. Amen. Und ich sehe das auch bei euch Kindern, wie ihr danach drängt, die Wahrheit zu hören, die der Herr durch mich auch euch offenbart. Et j'ai remarqué que souvent aussi vous me poussez à vous donner la parole de Dieu. Donc ça montre vraiment que vous avez faim. Amen. Amen. He stood by the lake of Gennesaret. Verse 2. Verset 2. And saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. He was a teacher. Jésus-Christ était un enseignant. No, Jesus was not a pastor. Jesus war kein Pastor, sondern ein Lehrer. Jésus-Christ n'était pas un pasteur, mais plutôt un professeur. Even Paul was not a pastor, but a teacher. Auch Paulus war kein Lehrer, sondern ein Lehrer. Même Paul n'était pas un pasteur, mais plutôt un professeur. You can see everywhere today is pastor. Aber heutzutage will jeder ein Pastor sein, aber es gibt wenige Lehrer. Mais aujourd'hui tout le monde veut être un pasteur ou un prophète, mais il y a plus assez d'enseignants, plus assez de professeurs. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He taught them. He was a teacher. Il war ein Lehrer. C'était quelqu'un qui apprenait des choses à ses disciples, aux gens. C'était un professeur. Verse 4. Verset 4. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, after teaching, are you getting it? After teaching, after teaching them, then he now said to Simon, launch out into the deep and let down your net for a draught. Nach dem Lehren hat er. Before then, he did not say it. It was after teaching. Nach dem Lehren hat er Simon befohlen, hinauszufahren auf die Tiefe und seine Netze für den Fang hinunterzulassen. Mm. Nach dem Lehren hat er das gesagt, weil der Glaube kommt durch das Hören. Mm. Après avoir enseigné, après avoir fini de parler, il a dit à Simon de jeter ses filets. Donc, il faut d'abord entendre la parole. Et si tu as entendu la parole, là, tu peux agir selon la parole. Et c'est ça qu'il a fait ici. Amen. You understand it? Mm-hmm. Romans 10, it's a faith comment by hearing by the word of God. Now, start teaching them now. It's something. Amen. Yeah. Romans 10 lesen wir, dass der Glaube durch das Hören kommt. Das Hören vom Wort Gottes. Nachdem er sie gelehrt hat, hat er sie ausgeschickt, ausgesandt. Dans Romains 10, on peut voir que la Bible nous dit que la foi vient à travers l'écoute de la parole. Et là, on peut voir qu'ils ont d'abord entendu la parole, écouté la parole, et là, et ils ont été équipés pour agir selon la parole. Praise the Lord. Hallelujah. You know, after teaching, he said, let us bring heaven into here. Allow, let us bring heaven into the physical world. Nach dem Lehren hat er gesagt, lasst uns den Himmel in die physische Welt bringen. Mm. Donc on peut voir que après avoir enseigné, il a dit maintenant on peut ramener le royaume des cieux ici sur terre. Our word never come from here. They are coming from heaven. Unser Reichtum kommt nicht von hier, kommt von the fish all through the night, there was nothing. Amen. Sie haben die ganze Nacht gefischt und sie haben keinen Fisch gefangen. Donc notre richesse elle vient jamais de ce monde, elle vient toujours du royaume des cieux. Ils ont pêché pendant toute la nuit mais ils ont rien attrapé. Our victory never come from here, they are all from heaven. Unser Erfolg kommt nicht von der Erde, sondern vom Himmel. Notre succès, notre victoire ne vient pas de ce monde, non plus, elle vient du royaume des cieux. Jesus said he is from above. Jesus sagt, er ist von oben, er ist vom Himmel. Jésus-Christ lui-même dit qu'il vient du ciel, donc il vient. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5, please. Verset 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. All the night we tried to do it in the flesh. Mm. But it did not work. Yeah. Just like myself and my husband, we tried to save, to have a house in the flesh. It did not work. Hier sagt Simon Petrus, wir haben aber die ganze Nacht das versucht und es hat nicht funktioniert. Genauso wie mein Mann und ich fleißig versucht haben zu sparen, aber es hat nicht funktioniert. On peut voir que Simon lui a répondu qu'ils ont essayé pendant toute la nuit, ça n'a pas fonctionné. Mais ils ont essayé dans la chair pendant toute la nuit. Tout comme moi et mon mari, par exemple, on a essayé dans la chair d'avoir une maison, ça n'a pas fonctionné. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, nevertheless, at your word, I will let down the net. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. At your word, because you said it. Auf dein Wort werde ich nichtsdestotrotz es nochmal versuchen, weil du es gesagt hast. Parce que, mais puisque tu me le demandes, je jeterai les filets. Donc Simon l'a fait parce que c'est Jésus-Christ qui l'a dit. The difference donc, il a suivi la parole et on peut voir que la différence est Jésus-Christ. Amen. Der Unterschied ist Christus Jesus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. He is the Word. Yes, that's Word. Revelation. Amen. The book of Revelation. Amen. Christ. Jesus is the word of Christus, God. Jesus, das Wort Gottes. The difference is He. Er he said, nevertheless, at your word, I will do it. Nach deinem Wort werde ich es nochmal tun. Mm. Parce que toi, tu l'as demandé, je vais encore le faire. La différence est Jésus-Christ et la parole de Dieu. Verset 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. And they reckoned verse 7. And they become unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. All through the night there was no fish. Yes, but just of a sudden, are you getting it? Die ganze Nacht gab es keine Fische. There's word in heaven. Aber auf einmal hat es funktioniert. Wir haben Erfolg, wir haben Schätze im Himmel. Donc, on peut voir qu'on a nos trésors dans le royaume des cieux, on a notre richesse dans le royaume des cieux. There's nothing for you here. Hier ist, auf dieser Welt ist nichts für uns. Il n'y a rien sur terre, c'est pour nous. Amen. You can see all through the night they could not get anything. Ihr seht die ganze Nacht über, haben sie es nicht geschafft, weil hier auf Erden nichts für uns ist. Amen. On peut voir que pendant toute la nuit, ils ont essayé d'avoir quelque chose et ça n'a pas marché parce qu'on n'a rien ici sur terre. Tout ce qu'on a, ça vient du royaume des cieux. The book of Peter says things are reserved for us in heaven. In Petrus steht, dass die Dinge von Christus für uns im Himmel aufbewahrt sind, reserviert sind. Dans Pierre, il est écrit que les choses sont réservées pour nous dans le royaume des cieux. Amen. Take Christ to bring them here. Es braucht Christus, um sie zu bringen. Amen. Mais du Christ pour les ramener ici sur dans ce monde. You can see this fish. The fish is here. You know that we are reserved in heaven. Diese Fische. Let it take Christ to bring them here. Diese Fische waren aufbewahrt für sie im Himmel, aber es brauchte Christus, um sie dort rauszuholen. On peut voir que ces poissons, ils étaient déjà réservés pour eux dans le royaume des cieux, mais ils avaient besoin de Jésus-Christ pour les ramener sur terre. That's why faith brings out what is in the spirit into the physical world. C'est pour ça que le Glaube das was im Geist in der geistigen Welt ist ins physische. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle la foi ramène ce qui est dans le monde spirituel pour nous dans le monde physique. He obeys the voice of the Lord. That is the faith. Der Glaube gehorcht der Stimme des Herrn. Ils ont obéi à la voix du Seigneur, ils ont obéi à la voix de Jésus. Donc, et ça, c'est leur foi. Amen. After teaching them, after releasing the faith upon them, nachdem er sie gelehrt hat, nachdem er das Wort des Glaubens auf sie freigelassen hat, auf sie losgelassen hat, hat er gesagt, bewegt euch, tut es jetzt. Setzt das um, was ihr gehört habt. Okay. Après avoir enseigné aux disciples ou aux gens qui étaient là, il leur a dit de mettre leur foi en action. Et là, on a vu le résultat. That was the same thing I told my daughter Tania the other day. I said, listen to the message before you go into your studies. Et c'est ça que je dis à just like that, that is the system of Christ. Und das habe ich auch an meiner Tochter gesagt. Listen to the message they're going before you go there. Dass du dir die Botschaft anhörst und dann anfängst zu lernen, anfängst die Dinge zu tun, damit du dich einfach nochmal daran erinnerst, wer es durch dich hindurch tut. Et c'est ça que j'avais dit à ma fille Tania. Je lui ai dit avant de commencer à étudier, réécoute encore une fois le message. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, praise the Lord. Hallelujah. You can see that man can until they see. Amen. You know Jesus, you know, God is me, use miracle to bring them. If not, even Peter will not even kneel down. He said he kneeled down, saying, depart from me, for I am a sinful man. Oh Lord. Wir sehen hier, dass dass Petrus oder dass der Mensch halt dann erst glaubt, wenn er es sieht. Na, erst reagiert, wenn er das gesehen hat. Und das sehen wir auch hier bei Simon Petrus. Deswegen musste Jesus ja auch oft Wunder benutzen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, weil sonst selbst dieser Simon Petrus nicht geglaubt hätte von Anfang an. On peut voir que même Pierre n'aurait pas cru si si Jésus-Christ n'aurait pas fait de miracles, et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui doivent d'abord voir avant de croire. He says Simon Peter saw it. He saw five senses. Simon Peter hat es gesehen. What you see, what you hear, what you feel, what you know, he saw something. Then he now believed. Er sah und glaubte dann. On voit ici que Simon Pierre a dû d'abord voir afin de croire. Amen. Amen. He said, blessed are those that have not seen, but yet believe. Gesegnet sind aber die noch nichts gesehen haben, aber dennoch glauben. That I have Christ, but I believe I have him. Amen. Mais la Bible nous dit que bénis sont ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Amen. I know how, you know, God count your blessing and name them one by one. Amen. You know, Peter here can count the fish. There are a lot of fish that he can count. You know, Jesus said, blessed are those that don't have anything to show. Nothing. You know, if you are hoping, if there is hope, if people are still there. You know, you are still strong. But when there is no hope, blessed are those that have not seen, but yes, still believe. Und Simon Petrus hätte jetzt seinen Segen theoretisch physisch abzählen können. Der hätte die Fische zählen können. Aber jetzt sagt viel gesegneter sind die nichts zum Zählen haben, die nichts aufsammeln können, die einfach glauben auf das Wort des Herrn. Pierre a été béni et aurait pu aussi compter ses bénédictions parce qu'il a attrapé beaucoup de poissons, donc il aurait pu aussi compter ses poissons, et s'il compte ses poissons, on peut dire qu'il a compté ses bénédictions. Mais la Bible nous dit, mais Jésus-Christ nous dit que encore plus bénis et même plus heureux sont ceux qui sont capables de croire sans avoir de signes, sans avoir de miracles, ou alors qui ne peuvent pas compter leur bénédiction. You know, Christ always works when there is no more hope. Christus arbeitet immer, wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Jésus-Christ travaille toujours quand il n'y a plus d'espoir. Amen. If you still have hope on the flesh, on the natural, you know, you still have hope. Okay, there's a boy there, there's a girl there, there's something there, there's something here. You know, they can see, you know, when there is no hope, Abraham, nothing to hope for. The body of Sarah's body was dead. His own body was nothing to talk about. Are you getting it? Christus arbeitet immer, there was nothing to hope for. Keine Hoffnung mehr gibt. But he believed. You still believe your father. Amen. Manchmal haben Leute immer noch einen Plan B oder C oder D. Da gibt es noch eine Person, die ich kenne, oder hier ist noch etwas, wo wir noch was machen können. Aber wie Abraham beispielsweise in einer Hoffnungssituation war nur Christus seine Hoffnung. Und da müssen wir auch kommen an den Punkt und uns nicht immer wieder Hintertürchen freilassen. Beaucoup d'entre nous tiennent toujours à la chair. Donc, quand, par exemple, on soumet nos mariages ou alors la personne qu'on veut marier à l'Éternel, on essaye toujours, même si on dit qu'on l'a soumis à Jésus-Christ, on essaye toujours de l'obtenir d'une manière charnelle. Mais c'est seulement quand on se concentre et on donne vraiment tout à l'Éternel que là, Jésus-Christ commence à travailler. Par exemple, avec Abraham. Abraham, il était déjà très très vieux et sa femme aussi, elle était très très, très vieille, et elle avait un âge où normalement elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais quand, charnellement, il n'y avait plus d'espoir, là Jésus-Christ s'est manifesté et leur a donné un enfant. He said, blessed are those that have nothing to hope for. Gesegnet sind die nichts mehr haben, worauf sie hoffen können. Amen. Even at your age, everything, nothing to hope for. Nichts mehr, worauf sie hoffen können. La Bible dit, bénis sont ceux qui n'ont plus rien à espérer. Others may have hope, but you don't have any hope any longer. Andere haben vielleicht nothing here on earth to hope for, but you believe it. Amen. Sie haben nichts mehr, worauf sie hoffen können, aber dennoch bist du gesegnet. Amen. Donc, bénissons ceux qui ont la foi, qui peuvent croire sans avoir espoir dans des choses charnelles ou dans les mondes, dans les choses de ce monde. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Verse 9. Verse 9. Amen. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes, which they have taken. Amen. Amen. Verse 10. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. Praise the Lord. Hallelujah. Thou shalt catch men and no longer fish. Du wirst Menschen fangen und nicht mehr Fische. Maintenant tu attraperas des hommes et puis des poissons. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we tried to save for 10 years. Wir haben erzählt, wir haben gespart und es gab nichts. On a économisé pendant 10 ans, mais ça n'a pas marché. Amen. Amen. Remember the 20,000 euro we said we borrowed from the bank. 10,000 for savings and the other 10,000 to pay debt. Amen. Erinnert euch nochmal an die Geschichte von letzter Woche, wo ich erzählt habe, dass wir 20,000 uns ausgeliehen haben von der Bank und 10,000 genutzt haben. 10.000 beiseite gelegt haben und mit den anderen 10.000 Schulden auch beglichen haben. Okay. Mm. Rappelez-vous de l'histoire que j'avais racontée la semaine passée quand j'avais dit que on avait pris un crédit de 20 000 euros à la banque, 10 000 on avait mis de côté dans un compte d'épargne et avec les autres 10 000 on a payé des dettes et factures qu'on avait encore. You know, all these debts, where are they coming from? You know, my husband and myself, we are, you know, the natural family. They were number one. Anything happening to them, we don't even go to bank to take any money. We don't want to hear anything happening to them or they are in need of anything that they cannot get. For us, we must build a house for them. We must do this for them. Are you getting it? It was not for Christ's sake, but for their sake. Mein Ehemann und ich waren früher so eingestellt, dass wir für die Familie alles gegeben haben und jeden Preis gezahlt haben. Deswegen, wenn die Leute Geld gebraucht haben, haben wir uns Geld bei der Bank geholt. Egal, ob der Zinssatz dreistellig war oder so, es war egal. Hauptsache, man hat das Geld, um den Leuten zu helfen. Und natürlich verschuldet man sich dann halt um 0, nichts, wenn man halt so eingestellt ist. Moi et mon mari, avant d'avoir Christ, le Christ en nos vies, on vivait pour nos familles qu'on a laissé au Nigeria, donc on ne voulait pas entendre qu'il manquait quoi que ce soit. On se disait, on doit leur construire une maison, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc à chaque fois qu'il y avait un petit souci, on partait directement à la banque. Et peu importe, on prenait un crédit, peu importe le montant des intérêts qu'il y avait. Beware of the good of this world. Ihr nehmt euch in Acht vor dem Guten dieser Welt. Mais on doit faire attention au bienfait de ce monde. It's the Lord that saves us. Ist der Herr, der uns da rausgerettet hat. Parce que c'est l'Éternel qui nous a sauvés de cette position. We are so much in debt from dispo to dispo. Wir waren so verschuldet von dispo zu dispo. On était vraiment endettés. Because we so much listen to the natural family. On vivait de crédit à crédit parce qu'on écoutait, on aidait seulement la famille, on écoutait seulement la volonté de la famille et pas la volonté du Christ. Are you getting it? Wir der physischen Familie so immer wieder Ohr geschenkt haben. Wir sind auch dankbar, dass es nur bei Krediten geblieben ist und nicht bei irgendwelchen krasseren, noch heftigeren kriminellen Sachen vielleicht, die man hätte durchziehen können, weil man halt Leuten helfen will. Praise the Lord. Hallelujah. Remember the 10,000 I told you we saved. I hope you still remember it. The one that I said that Christ told me to take and put somewhere. Erinnert euch an diese 10.000 Euro, von denen der Herr gesagt hat, dass ich sie nehmen soll und sie irgendwo anders wiederum einsetzen soll. Et j'espère que vous vous rappelez des 10 000 euros que j'avais mis dans un compte d'épargne, où l'Éternel m'a dit de de les retirer et de les placer quelque part d'autre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, I've never said the place he told me to put it. Today, I will disclose it. The so-called savings, that is the 10,000, was it really savings? You are going to judge if it is was really savings, if you see. We call it savings, but was it really savings? Diese 10.000 Euro, was damit passiert ist, werde ich heute nochmal dann erklären. Und danach müsst ihr entscheiden, ob diese Ersparnisse wirklich Ersparnisse waren oder etwas anderes. Praise the Lord. Et je vous ai jamais dit où j'ai placé cet argent. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire. Et ça sera à vous aussi de juger si ce qu'on appelle économies, des économies, donc ce qu'on avait placé dans ce compte d'épargne, si on a vraiment économisé ou pas. Praise the Lord. Hallelujah. Don't follow your heart without Christ Jesus. Amen. Folge deinem Herzen nicht ohne Christus Jesus. Donc ne suis jamais ton cœur sans Jésus Christ. You know the world, they will say follow your heart. No, it's follow Christ. Amen. You don't follow any heart. Yeah. Die Welt sagt, folge deinem Herzen. Wir folgen keinem Herzen, wir folgen Jesus Christus, weil das Herz ist bösartig, sagt die Bibel. Et le monde va te dire suis ton cœur, mais nous on ne suit jamais notre cœur, on suit seulement Jésus-Christ, parce que on est conscient que rien n'est bon sans Jésus-Christ. Amen. Amen. The natural heart, the unrenewed heart, the heart that does not belong to Christ, is an evil heart. Das natürliche Herz, das Herz, was nicht Jesus Christus gehört, ist ein bösartiges Herz. Jeremiah 17, please. Jeremiah 17. Un cœur qui n'est pas soumis à Jésus-Christ ou un cœur qui n'est pas renouvelé est un cœur mauvais. Jérémie 17. Vers 9. Ouais. Jeremiah 17, 9 und 10. Versets 9 et 10. Jérémie 17, versets 9 et 10. It's like the heart is deceitful above all things. Es geht um das Herz ohne Jesus Christus. Are you getting it? Amen. And desperately wicked. Who can know it? Are you? Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. I, the Lord, search the heart. I try the reins. Evil to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Amen. Amen. In Matthew 12, he said, out of the heart. Let's go to Matthew 12. Matthew 12. About out of the heart. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Evil does not come from outside, it comes from the heart. Matthew 12. Das Böse kommt nicht von außen, sondern es kommt von innen. Parce que les choses mauvaises ne viennent pas forcément de l'extérieur, mais elles viennent du cœur. Are you getting it? Matthieu 12. Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 34. Praise the Lord. Alléluia. He said, O generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Praise the Lord. Hallelujah. A heart does is not, you know, you don't follow your heart. You know, the religion and you know the all these people, they just follow your heart. Guys, follow Satan. They are telling you to follow Satan. A heart does not belong to Christ Jesus. It's Satan's heart. Religion. It's wicked, that is evil heart. Und Gutmenschen sagen immer wieder, folge deinem Herzen, folge deinem Herzen. Aber das Herz ohne Jesus Christus ist bösartig. Es ist teuflisch. On doit savoir que le cœur sans Jésus-Christ est diabolique. Donc, il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas suivre les conseils du monde ou les conseils de la religion où on te dit de suivre ton cœur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Go to Psalm 127. Psalm 127. Psalm 127. 127. Vers 1. Vers 1. As the Lord build the house, they labor in vain that build it. As the Lord keep a city, the watchman washeth but in vain. Ooh. Praise the Lord. Hallelujah. Except you save in the spirit, saving the flesh is in vain. Except you allow the Lord to be your savings. That savings is, you know, it might be big. It is going to destroy you in one way or the other. Satan is in charge of it. Yeah, dieses Geld wird dich zerstören, diese Sache wird dich zerstören, weil der Satan ist der Bauherr. Donc si tu économises sans Jésus-Christ, cet argent va te détruire à la fin parce que c'est le diable qui t'a aidé à économiser et le diable veut toujours voler et détruire et tuer. You know, the system of this world today is always the way that seems right unto a man. It makes sense. Amen. Das System dieser Welt it makes sense so much. Beruht immer auf dem, was logisch ist, was Sinn macht, 14:12. Was nachvollziehbar ist. Und das wird gemacht. Und das ist gut. Das System de ce monde est basé sur la logique. Donc, beaucoup de choses. Si on fait selon le système de ce monde, on peut se dire que c'est la bonne manière, c'est juste. Or que c'est faux aux yeux de l'Éternel. There is a way which seems right unto a man. Proverbe 14, pardon, sorry, 12. It sounds right. It looks right. Es hört sich gut an, es sieht gut aus. Ça sonne bien, ça paraît juste. You know, serving naturally and depending on it look right, sounds right. Amen. The money is there. You know, when you don't need anything, just go there. You don't need to depend on Christ. You go there. You depend on it. Are you getting it? There is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Zu sparen, einen ganzen Berg voll Geld zu haben und von dem immer zu schöpfen, wenn man braucht, das hört sich normal an, das hört sich natürlich an. Aber ist das der Weg des Herrn? Ist das nicht dieser Weg, der nämlich gut aussieht, aber dann ins Verderben führt schlussendlich? Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Donc pour si quelqu'un te dit aujourd'hui ouais j'ai mis tel montant de côté pour moi et ma famille, on va se dire que c'est quelque chose de bien. Et alors que dans les yeux de l'Éternel, ça mène à la mort. If you are saving, saving for Christ Jesus. Wenn du sparst, dann sparst für Christus Jesus an. Et si tu dois faire des économies, tu dois le faire pour Jésus Christ. And then that's why if Christ said go and bring it, you go there and bring it out. Und deswegen, wenn Christus sagt, nimm das Geld raus, dann kannst du es auch rausnehmen. Et c'est la raison pour laquelle si tu as fait des économies pour Jésus Christ. Jésus-Christ te dit de retirer cet argent et de placer ça quelque part. Tu le fais parce que tu sais que c'est pour le flesh. Beaucoup de gens font des économies, mais ces économies sont pour la chair. Amen. Amen. I thank the Lord for the savings. My son here, the grandparents save for him. That he now turn it is now it now belong to Christ. I'm no longer of the flesh. Ich danke dem Herrn für unseren Bruder Felix hier, der dass er sparte was von seinen Großeltern, dass er das umgewandelt hat, dass es nicht mehr das Ersparte von Menschen ist, sondern das Ersparte des Herrn geworden ist, weil er es dem Herrn übergeben hat. Amen. Amen. Je remercie l'Éternel pour notre pour mon fils Félix ici qui a transformé les économies, l'épargne qu'il a reçu de ses grands-parents, que c'est plus charnel, que c'est devenu quelque chose de surnaturel. I thank the Lord that Felix chose Christ Jesus. If not, that money will be for debt. Christus Jesus gehorcht hat, weil sonst wäre dieses Geld for debt. Für Schulden. Ach so, für Schulden. Okay. Nein, für Tod. Für Tod, also für Tod, okay. Debt, not debt. for death. Okay. The way that seeming right. It seeming right for the natural man. You know, the grandmother, people are, you know, we can clap for that, for the parents, amen? The natural parents. They were able to save for their grandson, amen? They save for your brother also. They save, you know, are you getting it? But I thank the Lord that, you know, you listen to Christ and you obey his voice. Amen. If not, that money is debt. Yeah. The end of his debt. Dieses Geld, wenn es nicht Christus gehört, wenn es nicht Christus übergeben wird, ist es halt tot, bedeutet es tot. Auch wenn die Welt es feiert oder applaudiert oder es für gut heißt, dass Menschen in der Lage sind, anzusparen für ihre Kinder und Kindeskinder, dennoch bedeutet es den Tod, wenn es nicht dem Leben übergeben wird, Christus übergeben wird. Et, encore une fois, je remercie l'Éternel pour Félix. Qu'il a vraiment transformé cet argent qui a été économisé dans des raisons charnelles, qu'il a transformé ça dans une économie pour le Christ lui-même. Parce que charnellement, ou même le monde va dire que c'est une bonne chose, ils vont même féliciter les grands-parents qu'ils ont été capables d'économiser de l'argent pour tous leurs petits-fils ou petites-filles. Mais on doit savoir que on vient de lire aussi que ces chemins mènent à la mort, que tous ceux qu'ils ont économisé va mener à la mort. S'ils connaissent pas Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. You know when people die, they leave their will. Amen. Mm-hmm. And their will, you can see house, car, all these different things, but you never see Christ. Mm-hmm. Wenn Leute sterben. No Christ, not in Christ. Bevor Leute sterben, geben sie ihr Testament ab. Und in diesem Testament sieht man immer sehr viele materielle Dinge, aber da steht nichts von Christus. Et on peut voir avant la mort des gens écrivent un testament, mais quand on voit leur testament, il s'agit toujours des biens de ce monde. On voit jamais que quelqu'un parle de Jésus-Christ dans son testament. You know when David was about to go, you know everything was telling Solomon was about the Lord. Als David kurz davor war, zum Herrn zu gehen, war alles, was er seinem Sohn Salomo mitgegeben hat, Christus. Mm. On peut voir que David, par exemple, avant de quitter cette terre, tout ce qu'il donnait à son fils Salomon, c'était des choses qui concernaient l'Éternel. He started revealing to him the inheritance. Mm. Er fing an, ihm das wahrhaftige Erbe. What is your inheritance? Amen, das Erbe des Herrn. Et il a commencé à montrer à son fils ce qui le vrai héritage, ce qu'il doit hériter. Et on parlait de l'héritage de l'Éternel, on parlait de la parole de Dieu. And people, it will be the company s'appelait the house in Warri, the cars in Kaduna. You know how Christ. Are you getting it? It's always debt. Yeah. It should be Christ. Und für einige Leute werden es, vergiss nicht die Firmen in Düsseldorf oder die Autos, exactly, die wir in Hamburg stehen haben oder das Ferienhaus in Spanien. Nein, sie würden jetzt über diese ganzen Sachen reden und diese Sachen auflisten und nichts über Jesus Christus sagen. Et pour le monde, ils vont te dire que, enfin, le testament, ils vont te rappeler des biens qu'ils ont laissés, que ce soit la maison qu'ils ont laissée en Hambourg ou les voitures qui sont garées dans un garage d'une maison à la Côte d'Azur ou quoi que ce soit. Are you getting it, please? Mm-hmm. I've never heard, you know, somebody's will after the death. That it was read, it was all about Christ Jesus. Ich habe niemals gehört, dass ein Wille gelesen, also von einem Willen gelesen, wo es wirklich nur um Christus ging. Malheureusement, j'ai jamais vu un témoignage où il s'agissait seulement de la parole de Dieu, seulement de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Let us learn. Lasst uns lernen. On doit apprendre. Amen. Amen. Go to Jeremiah 10, please. Jeremiah 10. Jeremiah 10 again. Praise the Lord. Hallelujah. habe ich Testimonials gesagt? Pardon, ist da noch. Allow the Lord to direct your life. Lass zu, dass der Herr dein Leben dirigiert, das Leben, was er dir gegeben hat. You cannot direct that life. Du kannst das Leben nicht dirigieren. Tu peux pas diriger ta vie. Amen. Amen. The life he gave you, you cannot direct that life. Mm. He gave you that life so that he will direct that life. Mm. Dieses Leben, was er dir gegeben hat, du kannst es nicht lenken. Er gab dir dieses Leben, damit er es lenkt. La vie que l'Éternel t'a donnée, tu n'es pas capable à la guider, à la diriger. Il t'a donné cette vie, mais tout en... pour qu'il puisse aussi diriger sa vie pour toi. You know, this evil children. You know, it's my life. You know, once they are not doing it, they are not up to some age. You know, the evil they are involving is so heavy that, you know, it's all about it's my life. And I'm going to live it. Amen. Mm-hmm. We have the life of Christ. Amen. All diese weltlichen Kinder, diese weltlichen Kinder, die zu der Welt gehören, sie sind immer mit dieser Mentalität, dass wenn sie 18 sind, dann ist ihr Leben und sie dann entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen. Sie entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen, was sie mit ihrem Geschlecht machen, mit allem machen. Das ist ihr Besitz jetzt und sie denken, dass mit 18 haben sie dann diesen ganzen Willen, um das alles zu machen. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was Christus uns sagt. With me, the poop on the television. It's my life. Und diese Leute, sie zeigen ihre ganzen, you can see their nakedness is their life. Sie zeigen ihren Körper, ihre Oberweite, ihren Hintern, alles, weil es ist ja ihr Leben, es ist ja ihr Besitz, deswegen können sie ja preisgeben, wie sie lustig sind. It's their body. On peut voir que on est dans des temps difficiles où tout le monde pense que leur vie leur appartient. Tu peux voir les gens, enfin les parents par exemple qui disent oh non, ils vont tout faire pour leurs enfants, mais dès que leurs enfants sont majeurs, ils vont tout oublier, ils vont dire que non maintenant je suis en charge de ma propre vie et ils vont commencer à prendre des mauvais chemins. Des filles par exemple vont commencer à se présenter nues dans l'internet ou à la télé et tout, ils veulent et c'est pas la volonté du Christ. Amen. Amen. Jeremiah 10:23. He said, "Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. He never created man to direct his life, to direct his steps." Der Mensch wurde nicht erschaffen, sein eigenes Leben zu lenken. L'homme n'a jamais été créé pour diriger sa propre vie. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. If Christ did not direct your step, Satan would be the one directing your step. Wenn Christus nicht deine Wege leitet, dann wird der Satan das tun. Si c'est pas le Christ qui dirige tes pas, ça sera le diable qui les dirige. Amen. Amen. Jérémie 22, verset 13. He said, "Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong, that useth his neighbor's service without wages, and giveth him not for his work." It's not talking about the natural. Amen. Praise the Lord. Il ne s'agit pas ici du naturel, de la chair. Having things without Christ. Dinge zu haben ohne Christus. Il s'agit d'avoir des choses sans Jésus-Christ. That's what he's talking about here. Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness. Praise the Lord. Alléluia. Malheur à l'homme qui bâtit sa maison au détriment de la justice. Means without Christ. Ça veut dire ohne Christus. Ça veut dire sans le Christ, sans Jésus-Christ. Amen. Amen. In Romans 12, verse 16. Romains 12, 16. Romans 12, to the point. Amen. Romains 12, Romans 12, 16. 16. Romains 12, verset 16. Praise the Lord. Alice, can you help us to read it? Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nach, nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. They have the same mind, one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own concept. Amen. Amen. Be not wise in your own eyes. Römer 12, 16. Seid nicht weise in euren eigenen Augen. Ne soyez pas sage selon votre propre définition. Don't depend on anything here on earth. Verlasse dich auf nichts, was hier auf Erden ist. Ne dépend ou ne compte sur rien qui est ici. It will never work for you. Es wird niemals funktionieren für dich. Parce que ça va jamais marcher pour it toi. Might work for them, but not for you. Es wird für sie vielleicht funktionieren, aber nicht für dich. Ça peut marcher pour eux, mais ça va pas marcher pour toi. In heaven, we depend on Christ alone. Im Himmel verlassen wir uns nur auf Christus. Dans le royaume des cieux, on dépend seulement du Christ. The royal family depend on the king alone. Die königliche Familie verlässt sich nur auf den König. La famille royale dépend du roi. It is a cost to depend on your savings. Es ist ein Fluch, sich auf seine Ersparnisse zu verlassen. Parce que c'est une malédiction de compter ou de dépendre de ses économies. Let us learn to depend on Christ Jesus. Lasst uns lernen, uns auf Christus zu verlassen. On doit apprendre à dépendre seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. You will be living under a cost, meaning you are cost. If you are depending on your savings. Das heißt, du bist verflucht, wenn du dich auf deine Ersparnisse verlässt. Ça veut dire que tu es maudit si tu dépends de tes économies. That is the system of the natural world. Das ist das System der natürlichen Welt. Ça, c'est le système du monde. They depend on their savings. Sie verlassen sich auf ihre Ersparnisse. Ils dépendent de leur compte épargne. It is no heavenly system. Es ist kein himmlisches System. Ce n'est pas un système. And that's why it will never work for you. Und deswegen wird es auch für dich nicht funktionieren. Et c'est la raison pour laquelle ça va jamais fonctionner pour toi. Amen. Pour toi. Amen. Again, Jeremiah 17. Let's go to Jeremiah 17. Jeremiah 17. Encore une fois, Jérémie 17. Praise the Lord. Amen. Jeremiah 17, verse 5. Jeremiah 17. Jérémie 17, verset 5. Are we there, please? He said, thus said the Lord, cursed be the man that trusted in man. Are you? Amen. That man might be your saving. That man might be your degree. That man might be, are you getting it? It might be somebody, your wife, your husband, your mother, your whatever it is that is of the flesh, that, and anything outside Christ. It might be your children. 5, verse 5. Again, please. 17:5, right? Yeah. 17:5. Oh, right. Jeremiah 17:5. Are we there? Yeah. Thus said the Lord, cursed be the man that trusted in man. Again, that man might be your saving. Dieser Mensch, diese Sache ist vielleicht eine Erspartes. Are we getting it? It might be, your job. Then job. I don't know say anything. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Et cet homme peut être ton travail, peut être ton mari, peut être tes économies. Amen. Amen. You know, don't forget that some they depend on their family. Il y a d'autres personnes qui dépendent de leur famille. Donc, ils mettent leur confiance en leur famille. They are so rooted in the family. It's all about family affairs. Anything family touches them. Mm. Donc, ils sont aussi racinés dans la famille que peu importe ce qui arrive à un membre de la famille, ils sont directement impliqués. Better allow Christ to be your family. Lass du das Christus deine Familie ist. Mais tu dois permettre que Jésus-Christ lui-même est ta famille. Amen. Amen. You know some, you know they are the one carrying the load of the family. But you know anything, especially firstborn. Mm. I was there. Amen. Firstborn, the first child, it's always, you know, it's the load is so heavy, and it's all, you know, and this one is coming, this one is coming, this one. You know, woe unto him. You better reject this curse. Amen. Thus said the Lord, I'm coming here. Cursed be the man that trusted the man. They are trusting in you. You know, it's all about the load you are carrying. You better give it to Christ. Amen. Und genauso auch, wenn du beispielsweise das weltliche Familienoberhaupt bist, in Anführungszeichen, die älteste Person der Familie oder das älteste Kind in der Familie, dann ist diese Last umso größer, die man einem aufbürgt oder die man auch selber an sich reißt oder an sich nehmen möchte, weil man einfach daran gewöhnt ist, diese Verantwortung zu tragen. Aber auch da muss man sich demütigen und erkennen, dass man verflucht ist, wenn man diese Position einnimmt, die eigentlich nur Jesus Christus gehört. Et pour d'autres, par exemple les gens qui sont les aînés de la famille ou les premiers-nés, ils se sentent toujours responsables pour toute la famille, pour leurs petits frères et petites sœurs. Mais il faut savoir que cette charge n'est pas pour toi, cette charge, elle est faite pour Jésus-Christ. Et c'est seulement Jésus-Christ qui est capable de porter cette charge. Sinon, tôt ou tard, cette charge va te mener à la mort. Amen. They don't make you their arm. Weil sie machen dich zu ihrem Fundament. Parce que les membres de ta famille vont te vont faire de toi leur fondament. Once the firstborn say it is final, it should be what when Jesus say it is final. Und diese Person, die all diese Macht hat und all diese Verantwortung hat, ist natürlich dann halt dann auch das letzte Wort. Aber so darf das nicht sein. Jesus Christus hat das letzte Wort, nicht der Mensch. Et le dernier mot, c'est Jésus Christ qui doit l'avoir et pas l'aîné de la famille. And you know that his firstborn direct them to Christ. And let tell them it's all about Christ Jesus. Amen. Amen. Und du, der ein Anwärter für diese Position sein könnte, weil du eben erst der Erstgeborene bist oder sonstige Kriterien in ihren Augen erfüllst, musst das verweigern und sie auf Christus verweisen, ganz klar. Et si les gens de la famille viennent toujours vers toi parce que tu es l'aîné de la famille, toi, c'est ton devoir maintenant de leur donner la vérité, de leur donner Jésus-Christ. Amen. It is for your safety, und es ist especially. Zu ihrer Sicherheit und auch zu deiner Sicherheit. C'est pour leur sécurité, mais surtout pour ta propre sécurité. Satan loves to destroy the head. Weil der Satan liebt es, den Kopf zu zerstören. Parce que le diable, il attaque toujours la tête, il adore détruire la tête. And that's why Christ must be the head. Deswegen muss Christus der Kopf sein. Et c'est la raison pour laquelle le Christ. If you are the head, amen. You are a target for Satan. Wenn du der Kopf bist, bist du ein Zielscheibe für den Satan. Et si t'es la tête, tu es une cible pour le diable. Amen. Allow Christ to be the head of the family. Lass zu, dass Christus der Kopf der Familie ist. And not the husband. Or the breadwinner. Or you know, the breadwinner, the one that receives more money. It's always the head. That control, It should be Christ Jesus. Ja, dass du das Christus der Kopf der Familie ist, nicht du, weil du der Mann bist, der Ehemann bist oder du, weil du am meisten verdienst oder sonstiges, sondern Christus ist der Kopf. Donc on doit vraiment permettre que Jésus-Christ est la tête de nos familles, de chaque famille, et pas la personne qui ramène le plus d'argent à la maison ou alors l'aîné de la famille ou quoi que ce soit. You know, in Nigeria, when firstborn die, they are not crying because he died. They are crying because money is gone. In Nigeria, if he's the one feeding them and doing everything, are you getting it? Mm. Who is going to be feeding us? That is their focus. Mm. Weint die Familie, wenn der Erstgeborene stirbt, nicht weil der Erstgeborene so toll war, weil man die Zeit mit ihm vermisst, sondern wegen dem Geld, wegen dem Einkommen, was jetzt verloren gegangen ist. Und wer wird jetzt die Familie ernähren? Auf wen stützt man sich jetzt? Und in Nigeria, par exemple, souvent quand l'aîné de la famille, donc le premier né de la famille, par exemple, meurt, souvent les gens qui viennent au deuil, ils pleurent pas parce que ils sont tristes d'avoir perdu un membre de la famille, mais plutôt parce que c'est la personne qui s'occuper d'eux, la personne qui ramenait de l'argent à la maison et tout n'est plus là et se demande comment ils vont faire pour survivre sans cette personne. Don't allow man to make you their arm. Lass nicht zu, dass Menschen dich zu ihrem. Look at it here. A maker flesh is arm. Is this there? Meint physischer Arm? Look at it here. Look at it. Okay. It's here. Verse the B part. First verse 5. Thus said the Lord. Ah, okay. Cause be the man that trusted the man and make her flesh his arm. Okay. Lass nicht zu, dass Menschen dich zu ihrem Arm machen. Was ich déclare dans la maudition, soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens. You are depending on you. See you as your power. Donc on doit pas permettre aux gens qui nous entourent de qu'on devienne leur source de force. Praise the Lord. Alléluia. C'est traduit avec quoi chez toi? Source de force. Amen. Amen. La deuxième partie de Jérémie 17 verset 5. Cause be the man that trusted in his savings. Are you getting it, please? Mm. Amen. Amen. Anything outside Christ is man. Alles außerhalb von Christus menschlich. Tout ce qui est en dehors du Christ est humain. Praise the Lord. Hallelujah. You have something that you are depending on. Hast du etwas, worauf du dich verlässt? Was ist das? Lass du, was Christus Jesus alleine ist. T'as quelque chose qui est ta source en dehors du Christ. Faut le rejeter. Faut que ça soit Jésus-Christ lui-même. Isaiah 31, please quickly go there. Woe to them that go down to Egypt for help. Praise the Lord. Hallelujah. You know Egypt. Ägypten. It's not Egypt as a country. Es geht schon um Ägypten, das Land. Praise the Lord. Sometimes I even thank the Lord that I'm not from there. Amen. Because this Egypt, anytime the Bible mentions, it's never good. I don't know. Are you getting it? Because of Pharaoh. Und dieses Ägypten, ich danke manchmal sogar dem Herrn, dass ich nicht von da komme. But if you are from there, then be safe. If you belong to Christ, you don't belong there any longer. You are not a citizen of heaven. Ja. Weltlich gesehen könnte man sich denken, dass man froh sein kann, dass man nicht aus Ägypten kommt, weil dieses Land Ägypten ist immer so negativ behaftet im Wort Gottes. Es ist immer als Ort, wo Sünde, Götzendienst und andere Sachen herkommen und entstehen. Aber wenn du aus ein Kind Gottes bist und in Ägypten geboren bist und aufgewachsen bist, ist Ägypten weder dein Land noch deine Nationalität, sondern das Königreich Gottes. Und Christus in dir ist das, was dich ausmacht. Und deswegen geht es nicht um das Land, sondern eher um den Geist dahinter. Dans la chair, beaucoup peuvent se dire que à chaque fois qu'on parle de l'Égypte dans la Bible, c'est toujours dans une façon négative. Mais il faut savoir que si par exemple, moi aujourd'hui, j'aurais été né en Égypte et j'ai grandi là-bas, mais j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut savoir que ma nationalité n'est plus égyptienne, mais je suis maintenant citoyen du royaume des cieux. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And stay on horses and trust in chariots because there are many. Don't go by majority. Don't choose by majority. Wähle nicht nach der Mehrheit. Ne choisis pas selon la majorité. Lass dich nicht durch die Mehrheit beeinflussen. Oder beeinflussen, sondern wähle durch Jesus Christus. Ne te laisse pas influencer par la majorité ou quoi que ce soit, mais tu vas seulement prendre tes choix à travers Jésus Christ et toujours choisir Jésus Christ. You know, this church, for example, you know, you do bring this church and bring, this religious church. And see, you know, you can see how many people, they are flowing there. Jesus talks about the narrow gate and the wide gate. He said many are those that go through there. Amen. You don't choose by majority. You allow Christ to be your choice. Wenn wir uns beispielsweise diese Gemeinde anschauen und andere religiöse Gemeinden, wenn wir das sehen, wie die Leute da reinströmen, so als ob man ein Wasserhahn aufgedreht hat, so laufen diese Leute da rein. Und hier ist es vielleicht nur tröpfchenweise, dass Leute hier ein- und ausgehen. Aber wir sollen uns eben nicht von der Mehrheit beeinflussen lassen oder überstimmen lassen, sondern auf Christus schauen. Si par exemple on compare cette église avec d'autres églises religieuses où il y a vraiment beaucoup de membres, on ne doit pas se laisser influencer, ou alors notre choix ne doit pas être influencé par le nombre de personnes qui est là, mais seulement par la parole qui est prêchée, seulement par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit être la raison pour laquelle on choisit quelque chose. Amen. Amen. You see, Elisha and the Syria army. The Syria army, you know, there were many. But Elisha was himself and the servant. Genauso wie bei Elijah und seinem Knecht. Die syrische Armee, sie war nicht zu zählen. I told you, you are more than, we are more than them. Und Elijah war. Are you getting it? In that religious church, you know, there can be millions, there can be billions, but we are more than them. Heaven is always more. Amen. Und bei dem Knecht und Elijah, sie waren zu zweit und die irischen Soldaten der syrischen Armee standen vor ihnen. Und man hätte sagen können, okay, das ist 2 zu 2 Millionen. Man kann eigentlich einpacken. Könnt ihr schon mal aussuchen, wo ihr sitzt, um euch verhaften zu lassen. Aber dennoch haben sie geglaubt, dass die bei ihnen sind, sind vielzähliger als die vor ihnen stehen. Und das war auch so, weil sie den ganzen Himmel hinter sich stehen haben. Und genauso ist es auch bei uns, dass wir sind zahlreicher als diese religiösen Gemeinden, weil bei uns wir den Himmel bei uns haben. Amen. On doit être conscient que si on choisit Jésus-Christ, on est automatiquement toujours dans la majorité. Parce qu'on a tout le royaume des cieux qui est avec nous, qui est derrière nous. C'est la même chose avec Élie, par exemple, quand il était avec son servant. L'armée syrienne était. Il y avait des milliers de soldats. Mais Élie était capable, il connaissait la vérité. Il savait que ceux qui étaient avec eux étaient beaucoup plus nombreux. Et. Dieu a ouvert les yeux de son servant afin que lui aussi puisse voir qu'ils étaient en majorité. Et c'est ça qu'on doit savoir, qu'on doit être conscient quand on connaît son identité, que si tu es dans le royaume des cieux, si tu as le royaume des cieux avec toi, vous êtes toujours en majorité, vous êtes toujours plus. You know, if you look at the religious... Le serviteur, le servant, je dis. If you look at the religious churches today, like let me give an example, Catholic Church, you can see how many they are. Wenn du dir, you know, you can count them. No matter how many they are, you can still count them. But in heaven, you cannot count. It is uncountable. What we have is uncountable. Is somebody getting it? He said, those that be with us are more than those that be with them. Die bei uns sind vielzähliger als die bei ihnen sind. Das himmlische Volk, das kannst du nicht zählen. Aber das irdische Volk, das ist zählbar. On peut voir aussi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que celui dans ce monde. c'est vrai parce que nous, les citoyens du royaume des cieux, avec les anges et tout, les soldats là-bas, on ne peut pas les compter. Mais ici en Allemagne, ou bien en Europe, ou bien tout, dans ce monde ici en général, on peut compter chacun citoyen. Jesus said he preferred one here to 100 of them. Mm-hmm. Jesus hat gesagt, ihm ist. Remember that this, you know what I'm talking about. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, if a sheep is gone out, just one out of 100. Mm-hmm. He said, you will leave the 99, go and look for that. Mm-hmm. He's talking about you. You are worth more than 100. Jesus sagt, wenn ein Schaf verloren geht, wird er die 99 zurücklassen, um das Schaf zu suchen. Wir sind dieses Schaf und wir sind mehr wert als diese 100 oder 99. Jesus Christ nous dit ici nous dit clairement que si un de ces brebis se perd, lui il va laisser les 99 et il va partir chercher le 1 qui est perdu là. Donc ça signifie que il préfère ce 1 là qui est vraiment en vérité que avoir sans autre personne mondaine. Praise the Lord. Hallelujah. He said because there are many and in horsemen because they are very strong. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 2. Verse 2. Yet he also is wise, and I will bring evil, and will not call back his words. But we arise against the house of the evildoers, and against the help of them that walk iniquity. Verse 3. Now the Egyptians are men. Praise the Lord. Whatever you are depending on outside Christ, they are men. Alles, worauf du dich verlässt, außerhalb von Christus, sind Menschen, menschlich. Mm, donc, tout ce que... Toute chose que, laquelle tu dépends. Tu dépends en dehors du Christ et humain ou quelque chose d'humaine. We depend on heaven, not on earth. Wir verlassen uns auf den Himmel, nicht auf Menschen. Nous, on dépend du royaume des cieux et pas des êtres humains. Amen. Amen. He said, the Egyptians are men and not God. Mm. And their horses, flesh and not spirit. Mm. Praise the Lord. Amen. We depend on the spirit. Wir verlassen uns auf den Geist. Nous, on dépend de l'esprit. On compte sur l'esprit. He said, when the Lord shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall. You that is there for them without Christ. Du, der für sie da bist, ohne Christus, der hilft, ohne Christus. The firstborn. Der Erstborn. Or the breadwinner. Oder der meisten verdient in der Familie. Der einfach Mitleid hat. Der Barmherzigste in der Familie. Amen. Quand l'Éternel abaissera sa main, le protecteur chancelera. Et le protégé tombera. Donc, on peut voir que le premier-né, ou alors la personne qui protège la famille, ou alors qui soutient la famille, qui ramène l'argent, qui est la tête de la famille, va tomber. He said, and he that is hoping, you know, those that are full of the, you know, the hope of the flesh. Die voll sind von der Hoffnung des Fleisches. Allow Christ to be your hope. Lass zu, dass Christus deine Hoffnung ist. Et tu vas aussi permettre que Jésus-Christ est ton espoir. And not man. Parce que si not l'homme, the body. Und nicht der Mensch. Si l'homme et le corps sont un espoir, ça... ça tombera aussi. Und nicht der Körper. Mm. Mm. And they shall fall down. And they all shall fail together. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Ils périront tous deux ensemble. Let Christ be number one. Lass zu, dass Christus dein Nummer eins ist und nicht deine Ersparnisse. Permet que Jésus-Christ est le numéro un dans ta vie et pas ton compte d'épargne. Anytime anything comes, just let your mind go straight to Christ first. Mm-hmm. And not, okay, I have money somewhere there. Lass zu, dass deine Gedanken auf Christus direkt sind und nicht auf, ich habe doch hier noch Geld und ich habe doch da noch was, Erspartes. Permet que tes pensées sont toujours vers l'Éternel. Donc s'il y a un problème, que tu vas d'abord vers l'Éternel et que tu ne penses pas à l'argent que tu as économisé quelque part ou à quoi que ce soit. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the 10,000 we called our savings. At the end of the 10 years of our believing, we saved. We were already, again, having dispo 10 years. And having a dispo almost 10,000. Und I don't know. Wie gesagt, wir haben ja 10 Jahre lang halt dieses Geld angespart, ne? Diese we left the money in the bank, in another bank. But the bank that we use, we were already again another dispo. Almost 10,000 was already waiting. So you can see that 10,000 that the Lord said go and take it. He said take it and go and use it to pay that dispo. Und diese 10.000 Euro, die wir dann halt angespart hatten, der hat gesagt, dass dieses Dispo, was in diesen 10 Jahren wieder entstanden ist, dadurch, dass wir halt diese Kredite abbezahlen mussten, Geld beiseite getan haben und auch noch leben mussten, wir mussten ja auch was essen und trinken in der Zeit, dadurch ist wieder ein Dispo entstanden. Und er hat gesagt, dass wir dieses Geld, was wir eigentlich erspart hatten, for the family all the time. Für das Haus, dass dass wir dieses Geld nehmen, um diesen Dispo, der in diesen 10 Jahren entstanden ist, einfach zuzudecken, damit der weg ist. Und pour retourner vers l'histoire du crédit des 10.000 Euro, on avait laissé ces 10.000 Euro dans un compte d'épargne pendant 10 ans à peu près. Mais pendant ce même temps-là, on avait à peu près aussi encore des dettes qui faisaient à peu près 10.000 Euro. Et là, l'Éternel m'a dit de prendre ces 10.000 euros, de payer ces dettes-là et de seulement de faire confiance. You know, I said it. I said you should judge if we were really saving. Are you getting it? Mm-hmm. And not that dispo was already piled down to cover. You dig a hole to cover a hole. Are you getting it? Mm-hmm. If the Lord does not, it's not your source. Mm-hmm. You're wasting your time. Yeah. Und deswegen schon eben diese Frage. Not that dispo was already working. And you know, I don't even know if they could have even given us the house after that savings of 10 years with the huge dispo that is still there. So the Lord is everything. Allah him. Amen. Und deswegen habe ich auch eben gesagt, dass ihr müsst jetzt entscheiden, ob das überhaupt ein Sparen war, weil in der Zeit, wo man halt gespart hat, wurde halt eine andere Grube immer größer und größer und größer hinter uns, ne? Und es wurde eine Grube gegraben, um eine andere, nee, es wurde eine Grube zugedeckt und dabei ist eine andere Grube, die noch viel, viel größer war, hinter uns entstanden. Ne? Und dann der Herr hat aber gesagt, okay, ihr nehmt jetzt das, was ihr jetzt da ausgegraben habt, diesen ganzen Haufen und packt ihn wieder hinter euch, um das Loch zuzugraben, was da entstanden ist. Und dann könnte man ja auch eigentlich sagen, dass dieses Sparen eigentlich vergeblich war. Das hätte man es einfach sein lassen können, wäre ja auch theoretisch dieser Dispo gar nicht entstanden. Ne? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que c'est à vous de juger si on a vraiment fait des économies pendant ces 10 ans-là. Parce que tout ce qu'on avait mis dans ce compte d'épargne qu'on avait laissé de côté, on a dû utiliser ça pour payer les autres dettes qu'on avait. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention à vouloir toujours être là pour la famille financièrement et des trucs comme ça. Parce que ça peut vous endetter, ça peut vous ramener dans des problèmes et ça peut aussi vous limiter dans les possibilités de que le Dieu que l'Éternel a créé pour vous. Praise the Lord. Amen. You know, I don't know if without the Lord intervention, if the bank could have still listened to us to have, you know, with the huge dispo still there. Amen. Ich weiß nicht wie. I don't know. Ob der wieder. No, though there are different bank. Amen. The dispo was another bank, and the saving was another bank. It may be that, you know, dispo, normally they put it in shofa. So I don't know how it could have even worked without Christ Jesus. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert hätte ohne Christus Jesus, ne? Weil dieser Dispo, der wird ja auch in der Schufa halt deutlich gesehen. Und wenn du ein Haus kaufen willst, selbst bei einem Laptop guckt man ja schon, ob was bei dir in der Schufa abgeht, geschweige denn bei einem ganzen Haus. Und da wäre das wahrscheinlich dann früher oder später aufgeflogen und dann wäre es halt lustig geworden, ob das überhaupt alles noch geklappt hätte. Deswegen danken wir einfach dem Herrn für seinen Plan und seine Zeit. On remercie l'Éternel parce que sans l'Éternel, je pense même pas qu'on aurait pu avoir la maison qu'on a aujourd'hui. Parce que force, c'est possible qu'on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir des aides pour avoir cette maison s'ils auraient vu quel montant on a encore ouvert à la, qu'on a encore à payer à la banque. Donc si on n'aurait pas été obéissant, si j'aurais pas pris cet argent-là pour payer l'argent qu'on avait, enfin les dettes qu'on a eues pendant ces 10 ans, on n'aurait peut-être pas eu cette maison. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment, quand on fait les économies, on les fait seulement dans le Christ, en Jésus-Christ seulement, et pas pour obtenir des trucs dans la chair, des choses dans la chair. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how Christ was there for us in all. Ihr seht, wie Christus in allem für uns da war. Parce que là, on peut voir comment Jésus-Christ était là pour nous. He was there at the right time. Er war zur rechten Zeit da. Il était là au bon moment. Amen. Amen. And also, let me quickly say this. You know, somebody might say, but the bank gave us the money, and we are going to pay back. You know, to be qualified to get money from the bank, especially without nothing, is Christ Jesus. Und man könnte auch sagen, ja okay, aber das Geld, was ihr dann am Ende des Tages benutzt habt für alles, war ja trotzdem von der Bank. Ja, aber selbst qualifiziert zu sein, von der Bank Geld zu bekommen, wo man eigentlich nicht qualifiziert ist, selbst das ist ein Zeugnis. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Ich spreche nicht über afrikanische Verhältnisse, sondern ich spreche über hier in Deutschland. Da ist Kreditwürdigkeit auch eine Hürde. Aussi, d'autres personnes vont aussi dire, mais à la fin, vous avez quand même reçu de l'argent de la banque pour payer cette maison. Oui, mais d'être qualifié dans ce monde, ou alors en Allemagne plutôt, pour recevoir un crédit, or que tu n'es pas, c'est Jésus-Christ aussi. Amen. Donc, on a toujours, tout ce qu'on a, on a toujours remercié Jésus-Christ et aussi... parce qu'il rend l'impossible possible pour ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. If you are in debt, don't allow it to disturb you. Wenn du Schulden hast, lass nicht zu, dass dich das stört, dass dir das schlaflose Nächte bereitet. Et si t'as des dettes, ne permets pas que ces dettes t'empêchent de dormir. The Lord knows how to pay it. Der Herr weiß, just cover wie er das zu zahlen hat. Amen. He knows exactly what to do. Just leave it for him. Er weiß, was er zu tun hat. Lass es, überlass es. Amen. Don't allow it to bother you. He might say you go and do it, or somebody go in there. He might say somebody without even you. Er wird vielleicht sagen, dass du es machen sollst, dass er es durch dich machen würde. Er wird aber auch vielleicht sagen, ich werde durch jemand anderes arbeiten. Aber ruh dich einfach auf ihm aus. Lass ihn grübeln. Arrête de te soucier comment tu vas payer ces dettes, parce que c'est l'Éternel qui va s'en occuper. Ça se peut qu'il va passer à travers toi, mais ça se peut, c'est aussi possible qu'il va passer à travers un autre enfant de Dieu qui va t'aider, ou même quelqu'un d'autre. Amen. Amen. You know, to get money from the bank for nothing, without having been not qualified, and even to pay that money back without sweat, it is Christ Jesus. Ja, also Geld von der Bank zu bekommen, kreditwürdig zu sein und dieses Geld auch noch ohne Schweiß, ohne Mord und Totschlag zurückzuzahlen, zu sagen, ist Christus. Même quand tu as des dettes, tu as besoin aussi de Jésus-Christ pour être capable à les payer aussi, de retour. À les rembourser. À les rembourser. Ouais. Et, genau. Donc, de recevoir de l'argent sans être qualifié selon le système de ce monde, tu as besoin de Jésus-Christ. Mais aussi de pouvoir rembourser ses dettes sans devoir transpirer, sans devoir suer. Là aussi, c'est Jésus-Christ. You know, that is why it's good to know the Lord, to know the truth early. If you know the truth early, the problem you find yourself with, you will not even be there. Und deswegen like auch, us. Deswegen ist es auch gut, den Herrn früh zu kennen, weil viele Probleme, viele Dinge, die man sich hinein manövriert hat, würde man gar nicht kennen, würde man gar nicht sehen, wenn man vorher schon diese Grube umfahren hätte durch die Leitung des Heiligen Geistes. Aber weil man halt sich selbst geleitet hat, hat man sich immer wieder in dieser Situation gefunden, der man dann halt wieder übernatürlich wieder rausgezogen werden musst, damit es weitergeht. Und ja, deswegen ist es gut, den Herrn einfach vorher zu kennen, damit er schon von Anfang an planen kann und leiten kann. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est mieux, c'est très bien de connaître le Christ des bas âges. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui nous arrivent, c'est à cause de notre manque de connaissance du Christ, ou alors pas parce qu'il n'était pas présent. Parce que beaucoup de crédit peut-être qu'on a pris, ou alors de décisions qu'on a prises sans avoir Jésus-Christ, nous, on a encore payé ces dettes-là. Mais sans Jésus-Christ, on ne serait jamais mis... Avec Jésus-Christ, on ne serait jamais mis dans ces positions-là. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why the Lord did not blame destruction of his children, of his people, on Satan. He blamed it on lack of knowledge. Deswegen sagt lack of not knowing the ganz klar, dass die Zerstörung seiner Kinder nicht wegen dem Teufel ist, sondern wegen der mangelnden Erkenntnis, die uns immer wieder in diese Gefangenschaft hineinversetzen, wovon wir eigentlich befreit worden sind. Et c'est la raison pour laquelle la Bible, l'Éternel dit que la raison pour laquelle ses enfants sont détruits. Ouais, c'est non. Donc, sont détruits. C'est à cause du manque de la connaissance et pas parce que le diable les attaque.